Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Esmeralda, amoureuse du capitaine Phébus de Châteaupers, a demandé l'aide de Quasimodo. Elle qui ne peut sortir de la cathédrale Notre-Dame de Paris, où elle a trouvé refuge. Quasimodo, quoique amoureux d'Esmeralda, a réellement tenté de lui amener le beau capitaine. Mais le beau capitaine a refusé. À qui Quasimodo, sonneur de cloche de la cathédrale, peut-il, lui, se confier? Voici les épisodes 44, 45, 46, 47 et 48 du feuilleton Notre-Dame de Paris, diffusé pour la première fois sur la chaîne parisienne les 6, 7, 8, 10 et 11 juin 1957. La radiodiffusion française présente l'œuvre célèbre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Texte et production de Jacqueline Lenoir. Quasimodo. Quasimodo, c'est toi. Tu as attendu toute la nuit. Toute la nuit pour lui. Oui. Tant qu'il y a eu un peu de jour, je suis restée à guetter. Mais après, je ne voyais plus rien et je n'avais plus d'espoir quant ton retour. Toute la nuit, tu as attendu pour lui. Eh bien, l'as-tu vu, toi? Lui as-tu parlé? Réponds-moi, Quasimodo, je t'en supplie. Je croyais que tu l'amènerais. Je n'ai pas vu ton capitaine. Tu n'as pas vu Phébus? Que dis-tu là, misérable? Alors pourquoi m'as-tu promis de l'attendre? Ainsi, je croyais que tu étais devant sa porte et ce n'était pas vrai. Tu l'as laissé sortir sans l'aborder, peut-être. Mais parle, parle donc! J'étais fatigué. Je me suis endormi avec la nuit. Endormi? Monstre! Tu as fait cela pendant que j'endurais mille morts au passage des heures et que mon cœur battait à se rompre. Endormi? N'as-tu point de honte à me tromper après tant de protestations? Je le guetterai mieux une autre fois. Attends! Va-t'en, tu me fais horreur! Sais-tu seulement ce que c'est que l'amour? Et comme on souffre, et comme l'homme se ronge dans l'attente. Sors d'ici! Et ne reviens jamais, jamais! Oh, Phébus! Mon Phébus! Laide, elle était laide dans sa rage. On aurait dit une gargouille vomissant des flammes. Mon Dieu, comme elle devait avoir mal pour en arriver là. Esmeralda, moi qui ne voulais que ta joie. Heureusement, j'ai menti pour te laisser l'espoir. Et même s'il faut le ligoter pour te l'amener, tu l'auras, ton beau capitaine. Je tiendrai ma promesse. Marie, ma bonne, ma grosse Marie, toi qui as toujours su me consoler de tout, parle-moi. Il n'y a plus que ta voix pour percer le silence où tu m'as enfermé. Méchante, je t'en ai d'abord voulu de m'avoir rendu sourd, d'ajouter cette infirmité à toutes celles qui m'accablaient déjà. Et puis je me suis rendu compte que tu avais bien fait. Tu as fermé mes oreilles à leurs insultes, à leurs sottises, à leur vanité. Parce que je n'entends plus, je ne parle pas. Et les humains me sont devenus indifférents. Mais toi, ma bonne Marie, réponds-moi. Attends. Je vais enlever ces cordes qui t'entravent. Viens, ma belle, viens. Je vais m'accrocher à toi. Nous allons nous balancer tous les deux dans l'espace. Tu vois, Marie, je te prends dans mes bras et j'oublie mes malheurs. C'est bon, Marie, de te sentir toute vibrante contre moi. Va, ma grande. Fais ta besogne. Vas-y. Alors la grande volée commença. Toute la tour tremblait, et Quasimodo tremblait avec elle de la tête aux pieds. La cloche déchaînée lui présentait son immense gueule d'airain par où s'échappe ce souffle d'orage qu'on entend à quatre lieues. Et de seconde en seconde, l'énorme langue de cuivre venait hurler aux oreilles du sonneur de Notre-Dame. Tout à coup, la frénésie de la cloche s'empara de Quasimodo. Son regard devint extraordinaire. Il attendit le retour du bourdon et au passage, d'un bond fantastique, le saisit à corps perdu. Suspendu au-dessus de l'abîme, lancé dans le balancement formidable de la cloche, il l'étreignit de ses deux genoux, l'éperonna de ses talons, redoublant par tout le poids de son corps la furieuse volée. Ce n'était plus ni le bourdon de Notre-Dame ni Quasimodo. La croupe monstrueuse haletait sous son maître. C'était un tourbillon, une tempête, le vertige à cheval sur le bruit. Un étrange centaure, moitié homme, moitié cloche, emporté sur un prodigieux hippogriffe de bronze vivant. Seigneur Jésus, que se passe-t-il? La grande volée à cette heure de nuitée? C'est le sonneur, il devient fou. Mais par Dieu, maillet malifre, depuis qu'il a enlevé Esmeralda, votre Quasimodo a perdu tout ce qui lui restait de cervelle. Mais qu'était-le donc braillé? On croirait le démon au jour du jugement dernier. Il compte les âmes pour le purgatoire. J'ai peur, j'ai peur. La paix, ma femme. Nous n'y sommes point encore. Mais tout ce monde nous empêche de dormir, voilà ce qui est certain. Oh! Hé, là, vous autres, mais entendez-vous? Il faudrait être sourd comme Quasimodo pour en perdre le point de mort. On dit que c'est le seul bruit qu'il entend, au contraire. Mais ce soir, la conversation est trop animée. Ah, les cloches semblent s'arrêter. On va pouvoir rentrer chez soi. Écoutez, on dirait qu'il parle maintenant. Quasimodo? J'entends rien. Et si, mon bon, mettez-vous là, dans le vent, là. Esmeralda! Je t'aime! Esmeralda! Ouida! C'est le bossu! Il se plaint, il pleure! Esmeralda! Je t'aime! Ma foi, je vais dire comme nos bonnes femmes, moi. Cette église est possédée du malin. Il y a dans tout ça quelque chose de surnaturel. Ouais. Je t'aime, Esmeralda. Je t'aime, Esmeralda. Misérable. Me voilà qui clame son amour à tous les échos, comme un démon. Quasi Quasimodo et pris l'Esmeralda. C'est vraiment pas trop risible. Borgne, boiteux, bossu, mais amoureux. L'autre jour, ne lui a-t-il pas apporté les fleurs? Elle les a mises à son corsage. Que les femmes sont singulières. Esmeralda n'a de haine que pour moi. Et moi, à cause d'elle, je hais la terre entière. Me voilà jaloux d'un monstre. Jaloux de Quasimodo. Pas encore du capitaine, mais celui-ci. Et je n'en rougis pas. J'en tremble. Non. Non. Cette passion ne peut continuer à me brûler la chair, c'est impossible. Il faut en terminer cette nuit même. Puisque je n'ai pas réussi à te faire mourir, Esmeralda, tu vas m'appartenir. De gré ou de force, je m'en moque. De gré ou de force, et tout de suite. Esmeralda, écoute-moi. Oui. Qu'est-ce? Oh. Qui m'appelle? Que faites-vous près de moi dans le noir? Le prêtre! Le prêtre! Allez-vous-en! Sortez d'ici, assassin! Crois-tu pouvoir m'approcher? T'approcher? Te posséder, t'épouser, oui. Contempler enfin ces paysages de chair qui m'obsèdent, apaiser ce désir qui me dévore. Lâche-moi. Lâche-moi. Tu me dégoûtes. Oh, je sais. Mais maintenant, je m'en moque. J'ai renoncé à te plaire, à te convaincre. J'ai déjà renoncé à tant de choses. J'y ajoute celle-là aussi. Tout ce que je t'ai sacrifié, de pur, de beau, de propre, ne forme plus maintenant qu'un tas de fumier. Et c'est sur ce fumier que je vais te posséder. Oh, lâche-moi. Oh, mais lâche-moi. Tiens. Tiens. Tiens. Va. Frappe-moi. Avilis-moi. Sois méchante. Fais tout ce que tu veux, mais je t'aurai. Esmeralda. Oh, oh, oh, oh, oh, vous me faites mal. Oh, oh, je ne veux pas, je ne veux pas. Non, au secours. Esmeralda, je sens ton corps, ta chaleur, tes cuisses, ma petite fille, tes cuisses qui se dénudent. Tais-toi, mais tais-toi donc. Oh, ayez pitié de moi. Lâchez-moi. Je n'en puis plus. Vous m'écrasez. Esmeralda, j'ai tellement attendu ce moment. Donne-moi ta bouche. Mais vas-tu te laisser faire? Allons. Qu'est-ce que tu as? Que fais-tu? Le sifflet de Quasimodo, il te l'a donné. Donne-moi ça. Es-tu folle? Esmeralda, n'aie pas peur, je suis là. Lâche-moi. Misérable. Quasimodo, c'est moi, ton maître. Regarde-moi, mais regarde-moi non, imbécile. Dis-le, Quasimodo. N'aie pas de pitié pour lui. Vous oubliez qu'il ne vous entend pas plus que moi, sorcière. Si seulement il me voyait, c'est à moi qu'il obéirait. Sors d'ici. Je vais t'écraser la tête contre les pierres. Osez toucher Esmeralda. Tu vas le payer cher. Montre-moi ta face dans ce rayon de lune. Je veux te voir crever. Fais voir. Quasimodo, lâche-moi. Oh. Oh. Mon maître. Mon maître. C'était vous? Oui. Abruti. Sauvage! Monseigneur, pardonnez-moi. J'ai dû vous faire mal. J'aurais pu vous tuer. Je ne savais pas. C'est bien. Va-t'en. Va-t'en. dérange plus. Eh bien, n'as-tu pas compris? Je ne peux pas partir, monseigneur. Pardon. Pardon. Faites de moi ce que vous voudrez. Je vous appartiens et je vous aime, mon maître. Mais tuez-moi d'abord. Moi, vivant, vous ne l'approcherez pas. Ce qui se passe est insensé. Lâche! Tu trembles maintenant parce que je ne suis plus seule à me défendre. Tais-toi! Je m'en vais. Je m'en vais. Si je voulais obtenir par la force Esmeralda, je pourrais tuer Quasimodo. Il se laisserait faire, comme il l'a dit. Mais tu as beau m'insulter, tu ne diminueras pas l'amour que j'ai pour toi. Tu t'en vas parce que tu as peur, entends-tu? Peur! Une femme ne se trompe pas sur ces choses-là. À tous tes vices, tu ajoutes la lâcheté. Va-t'en! Va-t'en! Ou je lance Quasimodo sur toi comme un chien enragé! Oh, calme-toi, ma petite fée. Il est parti. Oh, mon maître. Mon pauvre maître. Comme nous sommes tous malheureux. Désirez quelque chose, monsieur le juge? Oui. Faites porter ce pli à Don Claude Frollo, l'archidiacre de Notre-Dame. Doit-on attendre une réponse? C'est inutile. Il s'agit d'un arrêté du Parlement. Veillez simplement à ce qu'on le lui remette personnellement, n'est-ce pas? À votre service, monsieur le juge. J'ai dit qu'on ne me dérange pas. C'est que, monsieur l'archidiacre, l'homme insiste pour vous voir. Il vient du palais de justice. Porteur d'un message important, il veut s'en dessaisir qu'en votre présence. Bien, qu'il entre. Qu'était devenu notre Pierre Gringoire depuis l'enlèvement d'Esmeralda par Quasimodo? L'esprit en repos, ses craintes apaisées, son insouciance naturelle l'avait à nouveau projeté dans les rues de Paris. Équilibriste le jour, poète la nuit, à cheval sans cesse sur les nuées de l'imagination. En fin de compte, il était resté parmi les truands. L'état lui plaisait. Et la cour des miracles valait bien les miracles de cour qui ne lui avaient jamais rapporté que des illusions. Se souciait-il d'Esmeralda? À peine. La sachant à l'abri, qu'aurait-il fait de plus? Il s'était découvert un goût violent pour l'architecture et passait une grande partie de son temps à Notre-Dame, examinant le détail de ses sculptures. Comment vous portez-vous, maître Pierre? Oh, monsieur l'archidiacre! Oh, je ne devrais pas m'étonner de vous rencontrer ici. Et pourtant, j'y viens chaque jour depuis un certain temps, sans avoir la joie de vous y trouver. Me cherchiez-vous donc? À dire vrai, j'attendais l'occasion, et ne vous voyant pas, je comptais sur le hasard. Est-ce la présence d'Esmeralda qui vous rendez-vous? Pas davantage! Et quant à la dévotion, mon bon maître, il suffira que j'y consacre mes derniers instants. Mon âme est si légère, ce ne sera pas long. Alors, que faites-vous dans ces lieux? Figurez-vous que je me suis pris de passion pour les pierres et que présentement, j'admirais la façon dont est fouillé ce bas-relief. Avez-vous vu le feuille plus tendre et mieux caressé du ciseau? Regardez cette colonnette et cette métamorphose de basse taille exécutée avec tant d'adresse et de mini-hardise. Oh, que c'est beau! Vous êtes donc heureux, maître Pierre. Moi? Eh oui. Vous ne désirez rien? Non. Vous ne regrettez rien? Ni regret, ni désir. J'ai arrangé ma vie. Ce qu'arrangent les hommes, les choses le dérangent. Bah, je suis un philosophe pyrrhonien. et je tiens le tout en équilibre. Venez, maître Pierre, sortons sur le parvis, j'étouffe, moi, entre ces piles. Le fait est que vous avez fort mauvaise mine, monsieur l'archidiacre. Vos cheveux ont tout blanchi. C'est mon âme qui noircit. Plaît-il ? Rien. Venez et dites-moi comment vous faites pour vivre. J'écris encore, ça et là, des épopées et des tragédies, mais ce qui me rapporte le plus, c'est de porter des pyramides de chaises sur mes dents. Le métier est grossier pour un philosophe. Ah, oh, c'est encore de l'équilibre. Quand on a une pensée, on la retrouve dans tout. Je le sais. Comme vous regardez cet officier, monsieur l'archidiacre. Il est vrai que sa compagnie d'archers a belle allure. Il s'agit du capitaine Phébus de Châteaupers. Est-ce donc lui ? Je ne l'avais jamais vu. Voilà l'homme pour qui Esmeralda a tant souffert. Ne trouvez-vous pas, mon ami, que l'habit de ses cavaliers est plus beau que le vôtre ou le mien ? Ma foi, j'aime mieux ma gonnelle jaune et rouge que ses écailles de fer et d'acier. Oh, beau plaisir de faire en marchant le même bruit que la halle au ferraille du jour d'un tremblement de terre. Gringoire, il faut que je vous parle. Mais mon bon maître, nous ne faisons rien d'autre. Et que m'importe ces propos sur votre personne ? Il s'agit bien de vous. Ah ? Bon, moi j'y prenais quelque plaisir. Gringoire, que faites-vous d'Esmeralda ? Mais que pourrais-je en faire ? Elle est en sûreté dans Notre-Dame et je me suis retiré du jeu, voilà tout ce que j'en sais. Eh bien, je vais vous en apprendre davantage. Elle est en effet réfugiée dans Notre-Dame, mais dans 3 jours, la justice l'y reprendra et elle sera pendue en grève. Il y a arrêt du Parlement. La peste soit du Parlement ! Qu'est-ce que cela pouvait lui faire qu'une pauvre fille s'abrite dans les tours de la cathédrale à côté des nids d'hirondelle ? Gringoire, hein ? Il faut la sauver. Mais bien sûr ! Mais comment ? Comment ? Oh, j'ai une idée. Si on demandait sa grâce au roi... À Louis XI, une grâce. Autant prendre sa proie au tigre. Tenez, si j'adressais aux matrones une requête avec déclaration que la fille est enceinte. Enceinte, coquin. Est-ce que tu sais quelque chose ? Oh non, pas moi. Oh, vous fâchez pas, mon bon maître. Notre mariage, vous le savez, n'était que de pure forme. Je suis resté dehors. Hélas. Mais enfin, par ce moyen, on obtiendrait un sursis. C'est une folie. Ne soyez pas stupide. Esmeralda est vierge, heureusement. Gringoire, j'y ai bien réfléchi. Je ne vois qu'un moyen de salut. Lequel ? Parler ? L'église est guettée jour et nuit. On n'en laisse sortir que ceux qu'on a vus y entrer. Vous viendrez. Je vous amènerai près d'elle. Vous échangerez vos habits tous les deux. Esmeralda prendra votre pourpoint et vous porterez sa jupe. Oui, je veux bien. Et ensuite ? Ensuite, elle sortira avec vos habits. Vous resterez avec les siens. On vous pendra, peut-être, mais Esmeralda sera sauvée. Eh bien, Gringoire, que dites-vous de ce moyen ? Je dis, mon maître, qu'on ne me pendra pas peut-être, mais qu'on me pendra sûrement. Ma foi, tant pis. Oh, ben comme vous y allez, vous. Ne vous a-t-elle pas sauvé la vie en vous épousant ? C'est une dette que vous payez. Oh, il y en a bien d'autres que je ne paie pas. Qu'avez-vous donc tant qui vous attache à la vie ? Mais 1000 raisons, l'air, le ciel, le matin, le soir, le clair de lune, mes amis. Sans compter ma propre compagnie, que je trouve fort agréable. Tête d'alouette, cette vie à laquelle tu tiens tant, qui te l'a conservée ? Allons, un peu de cœur, Gringoire. Sois généreux à ton tour. C'est elle qui a commencé. Mais je ne demande pas mieux. Mais dites-moi, mon bon maître, et si j'avais une idée expédiente pour tirer Esmeralda de ce mauvais pas sans compromettre mon coup par le moindre nœud coulant, hein ? Qu'en diriez-vous ? Est-il absolument nécessaire que je sois pendu pour que vous soyez content ? Parle donc, ruisseau bavard, quel est ton moyen ? Eh bien, voilà. Hé, hey, la matrue ! Les cheveux qu'on ne trouve pas sur la tête de Terribourg, on les retrouve dans tes omelettes. Corne du diable, la vieille, j'aime les omelettes chaudes. Ma parole ! Tu te prends pour un prince ? T'es ici chez les truands ! Je serai donc prince des truands ! Regarde ! Ce titre n'appartient qu'à Clopin Trouillefou ! Et là-dessus, nous n'allons pas la plaisanterie ! Et je n'ai moi, par le sang de Dieu, ni foi ni loi, ni feligneux, ni roi ni dieu. Baptiste de Croix-Coison, viens-tu faire une partie de dés ? Ouais, je veux bien. Je veux bien, mais qu'on nous apporte d'abord à boire. Vive la joie, j'ai encore de quoi payer, moi. Voilà du suren ! Quoi ? Du suren ? Oh, non, Tavernier, mamie, non. Du bon, s'il te plaît. Ton surène, tu le sais, me chagrine le gosier. Allez, allez, on joue, hein. Allez, vas-y, commence. Hop. Yes, c'est quelqu'un. Moi, attends. Alors, attends, les faux, amis, François. Je ne crois rien de ces histoires, mais elles sont drôles. Tu as tort, ma belle. Je suis assez ivre pour te dire la vérité. Content qu'elle te fasse rire ainsi aux éclats. Ah, j'aime tes jeunes dents de louve. Alors, dis-moi pourquoi tu viens dans ta vernée, hein? Avec ta jolie figure d'écolier qui se prend pour le diable. Vrai Dieu, mamie, je suis truand au fond du cœur. Argotier dans l'âme, né cagou. J'ai été très riche, j'ai mangé mon bien. Ma mère voulait me faire officier. Mon père, sous-diacre. Ma tante, conseiller aux enquêtes. Ma grand-mère, proto-notaire du roi. Ma grand-tante, trésorier de robe courte. Moi, je me suis fait truand. Je dis ça à mon père qui m'a craché sa malédiction au visage. À ma mère qui a inondé le logis de ses larmes. Alors, je me suis installé à la cour des miracles et je m'y trouve fort bien. Oh, surtout en ta compagnie. Oh, polisson, mauvais garçon, fils indigne. Alors, c'est vrai, dis mon François, qu'il te reste encore de beaux écus à dépenser. Dis-moi, Rémi Belfast. Oui. Clopin est là. Oui, il est là dans le fond à faire les comptes. Dis donc, tu as l'air bien pressé, Grégoire. Ah, j'ai du nouveau pour Esmeralda. Viens avec moi retrouver Clopin. Ouais. Appelle Belvigne de l'Étoile et André le Rouge. Ouais, bah dis, et moi. Et viens aussi. Hey, ah bon. Belvigne de l'Étoile. André le Rouge, par là. Que faites-vous là, Jean ? Vous le voyez, mon frère, en vous attendant, je dessinais votre portrait sur le mur à l'aide d'un fusain. Vous ne m'avez guère flatté. Non ? Vous m'avez fait une tête de hibou avec un nez de perroquet. Effacez cela, je vous prie. Mon cher Claude, autrefois, ces innocentes plaisanteries d'écolier vous faisaient sourire. C'est que je n'ai plus envie de sourire. Dommage. Ça vous arrivait assez rarement. Et si vous lui refusez tout exercice, votre zygomatique va se paralyser. Jean, pourquoi êtes-vous venu me voir ? Et mon frère, vous êtes si prévenant pour moi et vous me donnez de si bons conseils que je reviens toujours à vous. Ensuite ? Hélas, Claude, que vous aviez raison lorsque vous me disiez « Jean, soyez raisonnable, Jean, ne pourrissez pas comme un âne illettré, Jean, ne faites pas l'école buissonnière, Jean, allez chaque jour à la chapelle et priez pour Madame la Glorieuse Vierge Marie. » Fort bien, après. Mon frère, vous voyez un coupable, un criminel, un misérable, un libertin. J'ai foulé vos conseils aux pieds et j'en suis bien châtié. Tant que j'ai eu de l'argent, j'ai fait ripaille, folie, joyeuse vie. Maintenant, je n'ai plus un sol. Les filles se moquent de moi, je bois de l'eau. Et ma vie se partage entre les créanciers et les remords. Oh, quel remords. Le résultat de tout ceci, je vous prie. Je voudrais me ranger à une meilleure vie. Je me confesse. Je me frappe la poitrine à grands coups de poing. Vous aviez bien raison de vouloir que je devienne licencié et sous-moniteur du collège de Torchy. Voilà, je me sens à présent une vocation magnifique pour cet état. Mais je n'ai plus d'encre. Il faut que j'en rachète. Je n'ai plus de plumes, il faut que j'en rachète. Je n'ai plus de papier, je n'ai plus de livres. Il faut que j'en rachète. J'ai grand besoin pour ça d'un peu de finance. Et je viens à vous, mon frère, le cœur plein de contrition. Est-ce tout ? Oui. Juste un peu d'argent. Je n'en ai pas. Eh bien, mon frère, je suis fâché d'avoir à vous dire qu'on me fait d'autre part de très belles offres. Vous ne voulez pas me donner d'argent ? Non. En ce cas, je vais me faire truand. M'avez-vous entendu ? Très bien. Vous m'avez déjà dit cela une fois. En vérité, je croyais la chose faite. Oh, mon frère, vous m'étonnez. J'avais un reste d'égard pour votre sainte robe. Je ne sais quoi dans l'éducation reçue qui me retenait encore, mais... Pardieu, la belle journée. Je vais me faire truand avec votre bénédiction. Va-t'en au diable, si tu le veux. Et même, voici ma bourse, en fin de compte. Prends-la. Grand merci. Il faut bien fêter l'événement. Le monde est à l'envers et mon frère, l'archidiacre, devient fou. Que la vie est fantasque. Le Clopin, c'est bien simple. Pour sauver Esmeralda, nous n'avons que ce moyen. Prendre Notre-Dame d'assaut, tu trouves ça tout simple? C'est un coup de main. Vous en avez fait d'autres et des plus hardis. Il a raison, patron, la chose n'est pas impossible. Qu'est-ce que tu me chantes là? Impossible. Impossible, d'abord, ça n'est pas truand. Ce n'est rien, bien sûr. À la faveur du désordre, on l'enlèvera facilement. J'entrerai avec plus de cœur dans une forteresse qu'à Notre-Dame. Un coup de main dans une église, je n'aime pas ça. Aurais-tu peur d'être damné? Imbécile, ce sera ma fierté. Crois-tu qu'on reste en marche toute sa vie pour rentrer dans le rang au moment d'en récolter les bénéfices? L'enfer me convient, j'y serai archi-suppôt. Non, ce que je n'aime pas, c'est me battre contre des moines et des bedeaux. Ces gens-là n'ont point d'armes. Et sur le coup de minuit, il n'y aura plus personne, ni dans les rues, ni dans l'église. C'est vrai. Quant aux deux corneaux de la prévôté qui gardent les portes de Notre-Dame, je me charge les auxiliaires personnellement. Allons, mes braves truands, c'est dit, nous ferons ça demain. Toi, prends une hache. D'accord. Geoffroy Pinsbourg, voilà. Veux-tu une lance ou une arquebuse? Rien du tout, moi j'ai ma serpe de vigneron avec laquelle je suis sûr de faire du bel ouvrage. Ah. Comme tu voudras. Alors. Clovis Gatmore, qu'est-ce que tu choisis? Passe-moi une cognée. Voilà. Merci. L'ami Gringoire, à quoi dire penses-tu les pieds sur les chenets? J'aime les feux de cheminée, mon bon Clopin. Non par la raison triviale que le feu réchauffe nos pieds ou cuit notre soupe, non. C'est parce qu'il a des étincelles. Quelquefois, je passe des heures à regarder les étincelles. Je découvre mille choses en ces étoiles qui saupoudrent le fond noir de l'âtre. Ces étoiles-là aussi sont des mondes. Je te comprends, Gringoire. Je sais. Tu es poète. Dans ton genre, je peins. Ce qui m'a manqué, c'est de savoir écrire comme toi. Tout ce que j'ai dans le cœur et dans la tête, j'ai dû en gonfler mes muscles pour être le plus fort. Au moins, toi, tu as su te faire respecter. Moi, je reste faible et léger. Tu agis, je rêve. Tu te bats, je soupire. Tu es roi, je suis bouffre. Ton règne est sur la terre. Le mien, dans les nuées. Tu pourriras moins vite, sacre bleu. Gringoire, dis-moi, connais-tu l'heure qu'il est? La foi, non. C'est bientôt la minuit. Sais-tu, Clopin, qu'on dit le roi Louis XIe à Paris? Ouais, ce n'est pas bon pour nous. Non. Mais il faut attaquer quand même. Hein. Ouais. D'ailleurs, nous ferons lestement. Pas de résistance à craindre une fois dans l'église. Les chanoines fileront comme des lièvres et nous sommes en force. Les gens du Parlement seront bien attrapés demain quand ils viendront la chercher. Ouais. Boyau du peuple, Clopin Trouillefou ne veut pas qu'on pende Esmeralda. Allons, vite, mes argotiers. Dépêchons-nous. Armez-vous. Nous nous mettrons en marche lorsque sonnera minuit. Qui veut des cottes de mailles, des bassinets, des platères? Il reste des sagettes, des viretons et des morions. Sors de ta corde d'abondance, ce gros estramaçon, là, moi je le prends, il peut servir. Et toi, nouveau, tu as tout ce qu'il te faut? Dague, poignée, épée, une vieille arbalète trouillée sur le flanc gauche, et sur ma droite, les amis, ce vaste broc de vin que nous allons vider en l'honneur de mon intronisation chez vous. Truand! Je suis truand! Ventre du Christ, versez-moi à boire, mes amis. Je m'appelle Jean Frollo du Moulin. Et j'étais gentilhomme. Oui, mais désormais vous êtes mes compagnons. À la vie, à la mort. Allez, nous allons faire une belle expédition. Pour mes débuts, le destin m'a comblé. Nous sommes des vaillants et allons le prouver. Assiégez Notre-Dame, enfoncez les portes. En tirer la belle fille, la sauver des juges. La sauver des prêtres, démanteler le cloître. Voilà qui me plaît. Notre cause est juste et nous irons le crayon aux oreilles de mon frère, l'archidiacre. La bonne farce. Ça te fait rire, ma mignonne? Ça n'est pas ce que tu dis, mais ta jolie petite gueule d'enfant de cœur. Un angelot parmi les argotiers, voilà de quoi tu as l'air. Je volerai donc autour de ta couche, ma belle. Viens t'en voir de plus près. Colère, faites silence à présent. Il est minuit. Rangez-vous par section. Le mot de passe est petite flambe en bagnaud. Vous marcherez sans bruit pour traverser Paris. Et sans lumière. Nous n'allumerons les torches qu'à Notre-Dame. Avant en l'argot. Avant en l'Égypte. Avant en Galilée. C'est bon. Et maintenant, en marche. Plus tard, les cavaliers du guet s'enfuyaient épouvantés devant une longue procession d'hommes noirs et silencieux qui descendaient vers le pont au change, à travers les rues tortueuses qui percent en tous sens le massif quartier des Halles. Cette même nuit, Quasimodo ne dormait pas. Il venait de faire sa dernière ronde dans l'église, verrouillant et cadenassant avec soin l'énorme armature de fer qui donnait aux larges battants de ses portes la solidité d'une muraille. Le sonneur de cloche plus que jamais était triste. Claude Frollo maintenant le rudoyait à tout propos. Esmeralda ne le voyait plus. Et une sourde inquiétude le faisait aller et venir sans arrêt. Enfin, il monta tout en haut de la tour septentrionale. Et là, posant sur les plombs sa lanterne sourde, il s'était mis à regarder Paris. Soudain, tandis qu'il scrutait la grande ville de son œil de cyclope, il lui sembla qu'étrangement les ténèbres bougeaient. Halt ! Toi, Rémi Belfast, reste ici avec tes hommes pour barrer la rue du Parvis. Oui, patron. Clovis Gattemort, tu feras pareil pour la rue Saint-Pierre-aux-Bœufs. Et toi, Audrey le Rouge, pour l'Hôtel-Dieu. De cette façon, nous formons un triangle et bouchons toutes les issues. Compris ? Jean Frollo, reste à mes côtés. Tu connais Notre-Dame, tu me guideras une fois dans l'église. Thibault ! Pierre Lassommeur ! Baptiste Crocoison ! Suivez-moi ! Vous venez d'entendre Notre-Dame de Paris. Adaptation radiophonique de Jacqueline Lenoir d'après Victor Hugo. Réalisation et musique originale de Jean-Wilfried Garrett. Avec, dans les rôles principaux, Michel Bouquet, Claude Frollo, Anne Capril, Esmeralda, Jean-Marie Amato, Quasimodo, Berthe Bovy, La Sachette, Jean Danet, Phébus, Maurice Ténac, Clopin Trouillefou, Pierre Trabeau, Jean Frollo et, dans le rôle de Gringoire, Jean-Marc Tenberg. Aujourd'hui, vous avez également entendu les voix de Marguerite Cassan, Guy Pierrot, Jean-Louis Maury, Jean Péméja, Jacques Deschamps, Henri Virlogeux et Teddy Billis. C'était Notre-Dame de Paris. Ces épisodes, les 44e, 45e, 46e, 47e et 48e du feuilleton Notre-Dame de Paris, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne les 6, 7, 8, 10 et 11 juin 1957. Vous pourrez les réécouter en ligne ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».